L'ego, dans son évolution, a été contrôlé par l'effort, par la force. L'ego a été contrôlé par tout ce qui est négatif. Il a été abreuvé par tout ce qui est négatif. Parce que la force, c'est en dehors de la lumière. La lumière crée la force. La lumière est en dehors de la force. L'ego a été prisonnier de la forme à tous les niveaux de son expérience pour le développement de l'humain. Dans l'évolution, il faut qu'il soit capable de par son intelligence nouvelle, de par sa volonté nouvelle, briser toutes les maudites forces et se servir des formes qu'il a besoin pour son évolution. Des formes qu'il a besoin, des formes qu'il veut bien garder autour de l'humain. Mais aucune forme dans son esprit. Le monde rêve. Ça rêve. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme de rêver. Ah, Steiner, il dit que c'est une grande patente. Si les gens ne rêvent pas, on aurait été coupés des visites, papa. Ça, je comprends. Tout le monde a raison. C'est ça le problème dans l'univers, c'est que tout le monde a raison, personne ne sait rien. Les maîtres ont toute raison. Je leur donne toute raison. Il n'y en a pas un Christi de maître avec qui sait quelque chose. Parce qu'ils sont tous par le cœur, il n'y en a pas un qui est dans l'esprit. Le cœur, c'est rattaché à quoi le cœur? C'est rattaché à l'astral. Là, tu te couches le soir. Là, le soir, tu souhaites l'information le soir parce que t'es couché, ton ego n'est pas impliqué. Il est temps que l'homme commence à vivre de son intelligence quand il est conscient de savoir qu'est-ce qui se passe le jour ou la nuit. Puis c'est le cœur rentré comme ça, constant, qu'on se demande pas pourquoi est-ce que je gueule. Je gueule pas contre vous autres. Je gueule contre la condition cosmique de l'homme, puis la condition planétaire de l'homme, puis les deux, puis la différence entre les deux. Puis là, c'est maudit que je la connais en maudit. Maudit que je suis intelligent. Puis on n'a pas besoin d'autre chose que de l'intelligent. Puis de la volonté. Je parle. Mais c'est un maudit combat pour l'avoir, cette intelligence-là, puis cette volonté-là. Quand tu dis que t'es pas capable de faire un mouvement parce que c'est pas le temps, t'es pas capable de faire ci parce que c'est pas le temps, t'es pas capable de faire ça parce que c'est pas le temps, ça va loin, tu dis, le conditionnement de l'homme à la matière. Tu peux pas aller en voyage parce que t'as pas le temps, parce que t'as pas d'argent. Ça fait toute partie des influences de l'âme sur l'eau. L'homme devrait être capable de vivre mentalement. Soit la tête totalement vide, ou s'il y a de l'information, que ça marche tout de suite. Si tu as de l'information de t'acheter une maison rose, mais tu trouves la maison rose. Tu n'attends pas 15 ans pour l'avoir, puis 10 ans pour l'avoir. Tu trouves l'information, la maison rose. Tu as une vibration pour avoir une job, tu trouves la job. Tu sais quand, quelle place, quelle heure. Non, attends, puis attends, puis attends, puis attends. La crise de boule. Au train. J'ai jamais vu un initial aller enragé comme moi. Sois fait 11 ans que je t'ai enragé. Avant, je t'ai enragé tout seul, là, je t'ai enragé avec ceux avec qui je parle. On a été abrutis par l'existence. On a été abrutis par nos bons sentiments. On a été abrutis. Puis on a été exploités dans notre ignorance. Pour un bénéfice essentiel à l'évolution de l'âme. D'accord. Mais à l'évolution, ça arrête. Avec l'évolution, ça arrête. Ça va arrêter net. T'es pas riche aujourd'hui, tu peux pas. T'as plus de mobilité. Les riches, eux autres, sont inconscients, ils ont de la mobilité, ils font ce qu'ils veulent. Au moins, ils ont un certain plaisir au niveau de l'ego. Mais ils sont mortels, puis ils ont tous les problèmes comme tout le monde. Mais les êtres conscients, eux autres, sont pas capables d'avoir de la mobilité. Je vous souhaite un jour à tous et à chacun de vous autres de comprendre le feu en moi qui me dévore. Vous allez être bien. Parce que je suis bien, même si je gueule, je suis bien quand même. Je suis pas bien comme je veux. 84 va être bien comme je veux. Ça en vient. Moi encore, je suis obligé d'attendre, les enfants chiens. C'est effrayant la condition humaine. C'est effrayant la condition. Me disent, ah, oh, qu'est-ce que j'étais dans mon incarnation antérieure? Il veut savoir qui c'est qu'il était avant. Même toi. Ils sont en merde aujourd'hui, ils voulaient savoir si t'as des rois tout à l'heure. La loi de karma. L'homme doit détruire la loi de karma. C'est une loi planétaire, la loi de karma. C'est pas une loi cosmique. Bien qu'une façon de détruire la loi karmique, c'est la loi de retour, c'est avec l'intelligence et la volonté. Mais il faut que tu aies les épaules solides, parce que tout geste que tu poses doit être parfait. S'il n'est pas parfait ton geste, tu tombes à la loi de retour, à un niveau quelconque, parce que ça s'enregistre dans la mémoire du temps. Il y a un bilan qui se fait. Parce que c'est important l'intelligence et la volonté. La vraie. Pour que quand tu fasses un geste, n'importe quel geste, ça part. Moi, je m'étais emmené chez nous à soir, il y a un petit moineau qui passait sur la route, là, un petit machin chouette. Là. Puis avant, oh, la spiritualité, je voyais un moineau qui chialait. À soir, il passait à la route. J'ai continué mon train, puis j'ai dit, s'il passe en dessous de mes roues, c'est ta crosse de faute. J'ai passé, j'ai regardé mon miroir, puis il s'est retiré en arrière. J'ai reculé juste à côté de lui, ce que la rage m'a fait avant. J'ai reculé à côté, puis je l'ai regardé avec mes yeux bien froidement mourir. Je pleurais pas soir, ma mère a pleuré. Parce que la crise de loi doit être détruite du retour. L'homme doit avoir sa volonté, son intelligence. Fait que si l'homme sait ce qui se passe dans le cosmos, si l'homme sait que chaque mouvement que tu fais est coordonné et coordonné et sert à la souffrance de l'ego, moi j'ai pas souffert à soir. Puis là, ils m'ont dit, j'ai attendu aussi, j'ai dit, inquiète pas, je suis tough. En maudit, je suis tough, puis je tuerai pour le prouver que je suis tough. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas que je tuerai, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Par défaire que sans tête. C'est ça que je veux dire. Mais, faut avoir l'intelligence. Tu peux pas rien faire si tu n'as pas l'intelligence. Si tu veux pas travailler les illusions, puis les illusions, puis les illusions, puis les illusions du petit moineau qui passe sur ta route, ton char le frappe. Puis tu souffres, comme j'ai déjà souffert, que je t'amène près de la pêche, je prends les poissons sur la ligne. Mais chier ce qui se passe quand ils le font. Mais ils peuvent plus m'emmerder. Je vais y revoir le petit moineau à soir, parce que je l'ai pas déplacé, là, mais je vais pas me chiner. Je vais le mettre dans la... Je verse pas de larmes. Puis autant j'en ai versé avant les larmes, j'en verse plus de larmes. Excepté les larmes de larmes. Vous saurez jamais qu'est-ce que ça se fait. Mais peut-être un petit peu. Dans ce prix, il faut évoluer. Je suis content que vous ne sachiez pas. Il y a assez de force à l'air pour vous empêcher de suivre. Vous parlez des nuances, vous parlez des jeux de l'esprit, dans lequel l'ego se fait pogner à tous les secondes, à tous les minutes, à tous les coins de vue. C'est écœurant. C'est pour ça que quand tu vois clair, t'as vraiment qu'il y a toute une planète comme toi, ça change rien, Charlie, ça change rien. Puis tant que t'es pas capable de vivre de même, t'es capable de te tenir tout seul contre des millions de personnes, tu vas pas de la merde. L'homme doit retrouver sa nobilité. La nobilité qu'il doit retrouver, c'est la nobilité qui est fondée sur une conscience parfaite de ce qu'il est. Une conscience parfaite de ce qu'il est, c'est la conscience parfaite de son intelligence. La puissance parfaite de sa volonté. L'homme a besoin de ces deux principes-là parfaitement équilibrés en lui pour pouvoir reconstituer sur le plan matériel la domination de l'esprit en matière. Sans ça, il y aura un mètre d'esprit. Il ne pourra jamais y avoir de domination de l'esprit sans ça. La matière conditionnera toujours l'esprit. Moi, dans mon expérience, durant des années et des années, je disais tout le temps, bon, mais c'est assez la souffrance, là, c'est assez la souffrance, là, c'est assez. Ou un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Parce que la souffrance n'arrêtera jamais tant que l'homme n'y mettra pas une fin. Ça, c'est un autre point que je vous donne à soir, et puis oubliez-le pas. La souffrance dans la vie de l'homme n'arrêtera jamais tant que l'homme, l'ego lui-même, n'y mettra pas de fin. Puis il y a seulement une façon à l'ego de mettre une fin à la souffrance, c'est en vivant de son intelligence pure et de sa volonté pure. Tout ce qui n'est pas pur, et contaminé astralement par une émotion quelconque, automatiquement, ça engendrera dans la vie de l'homme de la souffrance. Puis moi, la seule raison que j'ai souffert plus que vous souffrez, c'est parce que je suis fusionné. Si j'avais pas été fusionné, j'aurais pas souffert autant. Mais j'aurais pas le feu que j'ai voulu. Mais fusionner, pas fusionner, à un certain moment, L'intelligence, elle rentre. Elle peut pas pas rentrer, c'est impossible. Faut qu'elle rentre. Bien voyons, t'es su. Parce que un va avec l'autre. Parce que faut voir pour avoir de volonté. Si tu veux pas, tu peux pas avoir de volonté. Faut voir clair. Puis la moindre émotion t'empêche de voir clair. La moindre émotion, c'est vibratoire. Si vous verriez vos corps subtils, vous seriez surpris comment est-ce que c'est sensé. C'est vibratoire. Autant l'homme a dominé l'évolution de l'homme, autant l'ego doit dominer l'énergie de l'homme dans la prochaine phase de vie. C'est justement pour ça que très peu vont pouvoir passer au travail. L'homme doit sortir de l'impasse. Puis l'impasse, c'est son incapacité. Son incapacité, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté et l'intelligence nécessaire. Le travail. Ouais. Le travail pour qu'il soit bon, pour qu'il soit grand, faut qu'il fasse plaisir à l'ego. Dans ce sens que faut que l'ego soit à l'aise. Faut que ça soit ce que l'ego veut. Faut pas qu'il soit imposé. Faut qu'il y ait un équilibre entre le travail et l'intelligence de l'ego. Faut que ça soit facile, le travail. Faut que ça devienne de plus en plus facile, le travail, plus l'intelligence grandit, puis plus la volonté grandit, plus le travail souhaite devenir facile. Et bien, il vient un point où le travail, c'est plus du travail, c'est un œuvre. Dans ce sens que c'est totalement créatif. Dans ce sens que ce n'est plus une obligation. Ça fait partie de ta créativité, de ton intelligence et de ta volonté. C'est la vibration la meilleure. C'est l'application maximale de la meilleure possibilité. Puis il y a un toi qui peut le savoir. Personne d'autre. Il y a un toi qui peut le mesurer. Personne d'autre. Il y a un toi qui peut le comprendre. Personne d'autre. Si le travail n'est pas encore facile, si c'est encore tortueux, c'est parce que le temps n'est pas venu pour qu'il devienne facile. À ce moment-là, c'est la volonté qui entre en jeu pour le rendre plus facile. Et c'est la volonté et l'intelligence, c'est un cercle. Plus ça va vite. De sorte qu'éventuellement, le travail se fait tout seul. Il faut qu'il se fasse tout seul. Les structures du travail. C'est la créativité qui remplit les structures. Parce que celui qui est inconscient, ça marche, pas tout le monde, il y en a qui ça marche. Parce qu'ils ont des conditions de vie qui font partie encore de l'expérience de l'âme. Celui qui est conscient, qui se conscientise, lui, souvent ça marche pas. Parce que encore à cause de l'expérience de l'âme, il est obligé de passer par une phase de spiritualité où il est démuni de sa volonté créative. Pour que se spiritualise ses corps. Ça, c'est une phase. Mais quand il est sorti de cette phase-là, quand il a commencé à comprendre, puis qu'il commence à se conscientiser, il regagne son intelligence, puis il regagne sa volonté qui est autre. Et à ce moment-là, il s'octroie ce que la personne inconsciente s'est toujours octroyé inconsciemment. Mais il le vit à une autre échelle. Mais, parce que la conscience, telle que je l'ai définie, la conscience a grandi avec la souffrance. À un certain point, l'ego est suffisamment sorti des forces qui ont servi à la conscientisation, au blind, à la souffrance. Il est suffisamment sorti de ça pour mettre son pied à terre. Dire « wow ». C'est à ce moment-là que la volonté commence, puis l'intelligence commence, puis c'est à ce moment-là que l'ego commence à vivre une vie à son goût. Pour être bien dans sa peau à son goût. Mais c'est toujours proportionnel à sa volonté et son intelligence. Autrement dit, c'est toujours proportionnel à ce qu'il sait, à ce qu'il comprend, ce qui l'amène à faire ce qu'il veut. Mais tout est en relation vibratoire avec l'émotion de l'ego. Tout est en relation vibratoire avec la souffrance de l'ego. Il y a des égos qui se conscientisent lentement, qui se conscientisent lentement dans le sens qu'ils ne souffrent pas trop, il y a de la souffrance. Mais ils n'ont pas cette souffrance maudite, le mur, tu sais, le mur. Tu voudrais te mettre ton poids à travers, tu passes à travers. Ils n'ont pas ça. Parce que s'ils l'arrêtent, dès qu'ils craquent l'autre. Mais quand tu l'as le mur, ton mur, chacun a son mur, il n'y a pas un mur pareil. À ce moment-là, c'est là que ta volonté a grandi, ton intelligence a grandi. Puis après ça, la vie matérielle. Je ne parle même pas de l'éther. Je parle de la vie matérielle. Parce que ton intelligence est plus bloquée par tes émotions. Ta volonté est plus bloquée par tes émotions. Donc automatiquement, tout fonctionne. C'est ça qui est plus top à la tête. Il faut que les égos en arrivent à ça. Il faut que l'homme en arrive à ça. Il faut que l'homme conscient en arrive à vivre sa planète Terre d'une façon plaisante. Mais moi, je parle pour des centaines d'individus. Il n'y a pas un individu qui réagit de la même façon à la vibration intérieure. Il n'y en a pas un qui a la même souffrance, de sorte qu'il n'y en a pas un qui a la même qualité d'intelligence, bien qu'éventuellement les gens en arrivent à avoir la même intelligence. Mais la qualité d'intelligence est différente. Parce que la qualité d'intelligence est toujours façonnée suivant l'absence d'émotion. C'est l'absence d'émotion dans l'homme qui racine l'intelligence. Moins tu as d'émotion, moins tu as de cette énergie-là émotive. Mais plus ton intelligence grandit, mais aussi plus ta souffrance est grande. Parce que c'est la souffrance qui détruit l'émotion. Si tu n'as pas de souffrance, c'est pour ça que les gens qui meurent, ça se retrouve d'autre bord, ça a été des papes, ça a été des cardinaux, ça a été des rois, ça a été des gens riches. Ils d'autre bord, sont sans paille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien vécu. Mais quand tu l'as vécu, au bout, il n'y en a plus de limites. Moi, je sais qu'il n'y a pas de limites sur le plan matériel. Les limites sur le plan matériel sont le résultat de l'émotion de l'âme. Ça, j'en suis absolument sûr. Cette fois. Moi, si je vous raconterais comment est-ce que j'ai passé du stage de l'inactivité au stage de l'activité, et quelle souffrance ça m'a pris pour passer à ce stage-là dans deux semaines, les cheveux reviendraient à sa tête. Mais ça revient tout à ça. Parce que l'intelligence de l'homme doit être parfaite. Sa volonté doit être parfaite. C'est toujours la souffrance. Moi, je prends ma femme comme expérience. Ma femme a une volonté de chien. Puis elle a une intelligence créative. Très grande, c'est pas un intellectuel, ma femme, elle sait même pas ce que c'est le Mexique, on va placer ça quelque part. C'est pas ça qu'elle est là, ma femme. Mais son intelligence interne, son intelligence de vie, ce qu'elle a besoin en tant qu'ego pour fonctionner, il est maximalement développé au niveau de sa personnalité. Elle est. Mais elle aussi, elle a son plafond, parce qu'elle n'est pas fusionnée. Mais la fusion est suffisamment grande pour qu'elle se serve de ces deux affaires-là. Puis laisse-moi te dire qu'ils sont pas capables de... Parce qu'elle est rendue trop intelligente. Fait qu'elle fonctionne. Elle fait une vie à son goût. Faut qu'on arrive à ça. Puis tout le monde peut le faire. Ça dépend, tu peux travailler à l'intérieur d'une structure, mais ton intelligence est tellement subtile, tellement vaste, qu'elle va te permettre ton intelligence de fonctionner. Parce que l'intelligence, est d'abord l'intelligence, un des aspects, j'en parlerai à longueur plus tard de ça, mais un des grands aspects de l'intelligence, c'est la loi d'impression. La loi d'impression, c'est une loi cosmique. La loi d'impression, c'est une loi qui permet à l'intelligence de se manifester suivant les reflets des personnalités qui sont autour de toi. Fait que c'est un patron, c'est un job que t'aimes, toi. C'est toi. T'es un patron qui est niaiseux. T'es un patron qui aime pas ça parler, par exemple. Je te donne un exemple. Qui aime pas ça parler d'ésotérisme pis de ses affaires. T'aimes pas ça. T'en parles pas. À ce moment-là, tu vis la loi d'impression. Tu te mets sous la loi d'impression. Mais si tu vas y en parler, tu vas perdre ta job. Autrement dit, vous autres, dans votre vocabulaire, vous dites que t'as pas de temps. Puis ce qui crée le plus grand problème à tous les hommes qui rentrent dans la conscience cosmique, c'est qu'au début, ils n'ont pas de sac. Fait qu'ils se mettent toutes les pieds là. Ils sont pas capables d'être anonymes. Non, faut qu'ils arrivent au bureau, là, pis qu'ils parlent de leur rêve hier soir, puis de toute la niaiserie pendant que le gars, il est plein avec ses bâtons de golf. Au lieu de parler avec le gars sur un bâton de golf, puis de parler de la partie de hockey. Non, faut qu'ils parlent du bon Dieu et du petit Jésus. Les témoins de Jéhovah, c'est un exemple. Il n'y en a pas un Christ qui est capable d'entrer dans le bureau pour parler de Jéhovah. Fait qu'ils se font tout crisser à la porte, ils n'ont pas de job. À moins de travailler pour l'affaire de Jéhovah. C'est nice! Parce qu'ils ne connaissent pas la loi de l'impression. Puis la loi de l'impression, c'est une loi de l'intelligence cosmique. Il y a un homme qui vit de cette intelligence-là et automatiquement rentre dans la loi de l'impression. Puis va, tu n'as plus de problème avec personne. T'es anonyme. Tu te manifestes à ceux que tu veux. D'abord, ça, t'es anonyme. Fait comme ça, tu fais ton affaire. Fait que si t'aimes pas ta job, si tu fais ta job, ce sera pas parce que t'as parlé de ta fait la psychologie de Jésus. Tu parles de ta job parce que t'es pas efficace. Là, c'est une autre affaire. Mais aussitôt que les gens rentrent dans leur intérieur, ils sont pas capables d'équilibrer l'extérieur avec l'intérieur. Ils parlent de leur job. Ils ont des problèmes avec la famille, des problèmes avec le beau-père, la belle-mère, le boss. Partout. Ils ont des problèmes partout. Jusqu'à temps qu'ils comprennent sur leur plan des fois des 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans. Puis ça se raffine constamment la loi d'impression. Puis laissez-moi dire que c'est puissant la loi d'impression. Moi, je vis dans cette loi-là tout le temps. C'est extraordinaire ce que ça fait la loi d'impression. Parce que tu peux pas perdre d'énergie constamment avec le monde. Tu peux pas constamment expliquer au monde ta situation. Non, c'est pas de la part. Puis deuxièmement, tu dois fonctionner avec le monde toujours sur leur niveau. Tout le temps sur leur niveau. Un homme qui descend pas au niveau du monde, il est fini. C'est un yo-yo. C'est un manque de conscience. C'est un manque d'intelligence. C'est un manque de l'application des lois de l'impression. Si j'avais étudié les livres d'Alice Bailey, il en parle de Tibétain là-dedans. Il y a tout un chapitre qui parle de ça. C'est une des lois les plus importantes, la loi de l'impression. Les gens font toutes des grandes places. Parce que l'intelligence n'est pas suffisamment grande parce qu'ils n'ont pas assez souffert. Mais c'est la souffrance qui t'amène à cette sensibilité-là, qui t'amène à cette intelligence-là, qui t'amène à voir 360 degrés. Fait comme ça, tu travailles dans un bureau, tu vends du pain n'importe quoi. Le vol ne s'émaille pas. Mais il bénéficie de ton intelligence créative. Fait que t'es content. Tu as ton salaire quand tu en as besoin, tu as tes raises quand tu en as besoin. Mais on ne sait pas travailler dans les bureaux. Quand on se conscientise. On sait travailler quand on est inconscient. Mais aussitôt qu'on se conscientise, on perd les pédales. On s'ouvre la trappe. Puis plus ça va, moins les gens peuvent te comprendre. Puis c'est pas de leur faute. C'est normal. Laisse-les passer par une expérience parallèle à la tienne, mais ils vont comprendre. Mais si ça ne fait pas partie de leur grand vie, ils ne comprendront pas. Fait que toi, tu vas aller perdre d'énergie à t'expliquer. Voilà. C'est essentiel, cette loi d'impression-là. Essentiel. Parce que ça fait partie des gens. Moi, j'ai un type, le type en Ottawa, puis je te contacte au niveau des sciences. Il m'arrive de venir avec un scientiste américain, un grand scientiste américain. Tu connais le docteur Puharich, qui a fait le travail avec Uri Geller, là. Puharich arrive chez nous, c'est un américain, comprends-tu, Californie et tout, dans le désert, quelque part, les jeans, puis... un bel homme, là, belle personnalité, mais... dans le vent, tu sais, dans le vent de Californie, le vent chaud du désert. J'ai donné un mot de choc parce que d'abord il me connaissait pas, il venait juste de me rencontrer. J'ai dit, tu oses venir chez nous de même? Puis tu t'imagines que tu vas retourner en sciences dans le monde, dans les universités, donner des colloques, puis les gens vont te respecter. J'ai dit, tu vas commencer à parler du phénomène des ovnis, du phénomène de ci, du phénomène ça, de paranormal des universités, puis les gens vont te respecter dans tes jeans. Penses-tu que c'est à la masse de s'élever à ton niveau de conscience? C'est à toi de descendre à leur niveau de conscience. Quand tu comprendras ça, tu viendras me revoir. J'ai dit, mais apporte-toi les deux. J'ai dit, mais apporte-toi les deux. J'ai donné le choc. Pour vous le dire, on compte. La loi d'impression. Moi, je peux venir avec vous autres, c'est en jeans, puis en, je sais pas, en costume de bain. M'a dit la même chose que je dis. Mais ça n'aura pas la même vibration. Parce que c'est à moi de vous respecter. Vous autres, vous venez en jeans, ça, c'est pas la mer. Et si moi, je viens à vous autres, c'est à moi de vous respecter. Puis de mettre une cravate, même si c'est fâché. Ça, c'est la loi d'impression. Noblesse oblige. Exactement. Puis il n'est pas fou, les Français, laisse-moi dire. Ils l'ont fondé dans la culture. Nous autres, on le met à terre. Il y a des raisons à tout. Moi, j'étudiais bien ça au début, ces affaires-là, parce qu'il me fait beaucoup de communication entre nous autres. Une explication à la fin de noblesse oblige, papapapapapa. Il parle à tous les côtés, là, les abus, puis ci, puis ça. Mais. On le perd. Parce que on perd notre intelligence. On tombe dans l'intelligence de la forme, on tombe dans les modes, on tombe dans tout ce qui est masse, on perd notre individualité. Fait que la vibration est en elle. Puis on dit c'est pas important. On balaye tout. Fait que quand tu balayes tout, t'es très spurgé. Moi, le monde vient de chez nous, des fois, je t'en dis, parce que je travaille à la maison. Puis quand tu viens chez nous, je m'habille et je me mets une cravate pour les recevoir chez nous. Noblesse oblige. C'est le respect pour l'individu. Qu'est-ce que ça t'enlève? Ça t'enlève absolument rien. Au contraire, ça te permet de créer une ambiance qui est chaude, qui est chaleureuse, qui est respectable pour la personne qui vient chez nous. C'est pas le plus. C'est ça que les gens pensent. C'est ça que les gens pensent parce que les gens sont rendus tellement prisonniers de la forme qu'ils n'en voyaient plus. Mais si t'as pas envie, toi, à ce moment-là, de le changer. C'est pas ça le point. C'est pas qu'affaire que t'as envie ou que t'as pas envie. Ça fait partie de l'intelligence. Ça fait pas partie de l'envie. L'envie, ça se traite. C'est évident que j'aimerais bien mettre en costume de bain, rester dans le chaud. Mais l'intelligence va toujours avec la volonté. Tout le temps avec la volonté. Où il y a de l'intelligence et de la volonté. Ça t'enlève quoi? Ça t'enlève rien. Puis ça mène au personnage. Puis, j'ai essayé à deux reprises d'en parler dans les conférences, dans les séminaires, je ne sais pas quelque part, la loi des impressions. Ça a toujours fait la guerre. Puis les gens ne comprennent jamais ce que je veux dire, la loi des impressions, parce que les gens rationalisent la forme. Puis ils ont raison. Ils ont dit... comment est-ce que vous dites ça? Si, quand vous voyez... Si elle n'a pas envie de... Si elle n'a pas envie. C'est ça. Fait que si elle n'a pas envie de s'habiller, qu'elle ne fasse pas venir l'autre à la maison, tu as toujours le choix. Moi, si je veux rester dans mon lit, elle m'a dit, je ne peux pas te recevoir l'après-midi. Fait que je maintiens. Comprends? Mais si je décide de te recevoir, c'est à vous de me présenter à toi d'une façon qui est convenable. Dans le sens que, d'une façon qui constitue... dans mon rapport de forme avec toi au niveau de la personnalité, l'aspect le plus plaisant pour tes yeux. Prends, plaisant, c'est dit, prends, voilà. Je veux même pas rentrer dans le droit des impressions parce que tout le monde va être en désaccord avec moi, je le sais. Mais ça, c'est l'intelligence, parce que la séduction est à la place. Maudit que t'es intelligent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je m'en vais te donner l'autre 100 piastres ce soir. C'est exactement ça. Elle a dit que... Comment ça se dit? Le pauvre. Qui t'a dit? Elle dit que la voie de l'impression est à l'intelligence que la séduction est à l'astral. Ah bon? Parce que nous autres, ça c'est important, parce que tout le phénomène de la sexualité se vit à l'intérieur. Exactement. Elle dit que l'argent... Mmh. Et la sexualité et l'argent sont les deux formes matérielles que l'homme doit donner en premier. Si l'homme n'est pas conscient là, de comment administrer avec discernement sa sexualité et l'argent, moi, ça me fait bien, mais il n'y a pas d'état possible, il n'y a pas de forme de l'état. Parce que, ça, je vous ai parlé du travail tantôt. Parce que le travail, c'est le lieu où est-ce qu'on peut tirer l'argent. Et le travail est à l'argent que l'amour est à la sexualité. Ça ne va pas ensemble. Vous savez, ça a l'air de l'entendre, mais ça ne va pas ensemble. Parce que c'est pas vrai que celui qui travaille le plus fort, c'est lui qui fait le plus d'argent, c'est pas ça. C'est celui qui est le plus intelligent à son travail qui fait le plus d'argent. C'est-à-dire qu'il est le plus rentabilisé, pas nécessairement en termes de monnaie. C'est celui qui est le plus intelligent dans sa sexualité aussi. Ou est-ce qu'il est le plus peu dans sa sexualité? Mm-hmm. Pas celui qui est fait, là. La loi d'impression, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que j'en parle pas. Parce que c'est justement là. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement... Ça fait tellement partie de l'intelligence que les gens l'associent au niveau astral. Au lieu de l'associer au niveau de l'intelligence. Parce que les gens, nous autres, par l'impression, c'est séduit. Right. Ouais. Comme tu dis, là, les gens m'ont dit, ben oui, tu veux me saisir, tu veux m'acheter, tu veux me faire entrer dans ton bien-pied ou parce que tu veux m'impressionner. C'est pas pour impressionner l'autre, c'est parce que je suis impressionnée par l'autre que j'impressionne. Je veux dire, moi, je vais dire, noblesse oblige parce que l'autre est mort, pas parce que moi, je suis mort. Comprends-tu? Ça m'honore d'être en contact avec toi. Parce que je sais que je suis. Mm-hmm. Si tu es un chien, ça ne m'honorerait pas de te rencontrer. Mm-hmm. Mais si je sais ce que je suis, je connais ce que je suis, je sais que je suis prince ou princesse. Mm-hmm. Si je te rencontre, je te connais comme prince ou princesse. Mm-hmm. Ça ne m'abaisse pas. C'est ça. Je vais t'oublier. Exactement. C'est ça que les gens aujourd'hui, les masses aujourd'hui ont oublié. Exactement. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai été invité dernièrement sur Barbara Bronfman, qui est la juive de Montréal, là, des gens très riches. Penses-tu de me rentrer dans ma maison? Je le fais. Là, je suis rentré dans sa maison, ta maison, soir. Là. Je t'ai dit comment est-ce que je mets ta maison, comment est-ce que t'appelles la maison, ainsi de suite. Bon. C'est parce que j'ai pas d'impression à faire. Là. On est ensemble, c'est opérant. Et quand je suis rentré chez Barbara Bronfman, comment il y avait des vases de Chine, des affaires de ligne de 35 000 piastres, penses-tu que je vais rentrer dans la maison et je vais tout regarder les affaires, je vais dire, oh, là, ça, fantastique, blablabla. Moi, je rentre dans la maison, je m'en vais m'asseoir dans le meilleur fauteuil dans le coin, puis je m'assieds, puis je grouille pas de là de la soirée. Puis je parle de là, puis je les attire toutes là. Toute la guerre. S'ils sont 150, moi, toutes les amies à le tiroir. Puis je me lève pas, hein? Je reste assis. Les autres sont debout, ça c'est leur affaire. S'ils veulent s'asseoir, c'est leur affaire. Je deviens comme un aimant. C'est des gens inconscients. Tu veux la honte? Là, je les amène toutes, là. Je les tiens toute la soirée. Puis, quand je repars, j'ai rien vu de la maison. Puis là, je me dis que j'ai tout vu. Mon œil a goûté de tout. Mais je pars de là, puis je sors. Puis je prends pas mon char. Je me fais conduire par Gisèle dans le char. C'est elle qui est en avant, moi je me sens en arrière. Comprends-tu ce que je dis? C'est ça la loi d'impression. Parce que moi, j'ai pas une scène. J'ai bien beau être intelligent. Mais quand t'es avec des milliardaires, faut qu'il y ait une balance. Je la crève à la. Mais ils savent pas si j'ai pas une scène. Comprends-tu? Fait que quand je rentre, moi, puis je m'assis dans mon coin, puis je passe à côté de ses mines, puis je les regarde même pas. Puis que je peux être loué, puis dans sa maison à cette heure. L'équilibre est là. La loi d'impression. Après ça, quand on sera plus prêt, là, je dirais, oh, Barbara, j'ai le wrestling. Là, ça sera le temps. Là, j'aurais déjà rentré dans la maison. Ouais. Puis je regarde les gens riches, je regarde dans l'aristocratie, les gens de culture, qui ont ça naturellement. C'est naturel, avec ça. C'est naturel. Mais aussitôt qu'il y a un pauvre qui rentre là-dedans, qui n'a pas la vibration, ils savent tout ça. Moi, je dis qu'un prince qui demande de la merde, il ne vit jamais comme un petit peu qui demande de la merde. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Exactement. Mais je ne m'aventure pas dans votre impression parce que je sais que ça ne sera pas compris tout de suite. Parce que la réaction normale des gens, c'est la réaction comme dans la robe. Je le comprends. Je le comprends. Parce que les gens pensent que la loi d'impression cosmique, c'est la loi d'impression astrale. C'est une loi de l'intelligence cosmique dans l'homme. Laissez-moi vous dire que c'est tout ça, maudit. Moi, si je veux apparaître comme un millionnaire demain matin, je sais exactement quoi faire. Il n'y a personne qui va savoir la différence. Mais ça, c'est l'amour intelligent. Parce que c'est le reste qui est quoi? C'est l'amour intelligent. C'est quelqu'un qui est intelligent, là. C'est sa façon de manifester de l'amour. Tu n'as pas d'autre façon de manifester de l'amour que celle-là, c'est le respect. Ok. Tu sais, nous autres, on dit on aime, on donne le respect. Ouais. C'est pas ça de l'amour. Ouais. L'amour de l'enfant, de l'amour de n'importe qui, c'est le respect. Ça, ça fait partie de la bonne impression. Le respect fait partie de la bonne impression. Quand tu dis noblesse oblige, comme quelqu'un m'a raconté une fois à midi, j'étais obligée de donner une pièce à mon petit pour qu'il arrête de souffrir inutilement parce que son père était parti. Là. J'ai donné une pièce à mon père parce que la souffrance qu'il vivait, c'était pas se respecter lui-même. Tu comprends-tu? Elle dit, par respect pour lui, j'étais obligée de s'aider. Alors que nous autres, on donne une pièce à mon père. C'est pas correct. Mais c'est un choc qu'elle a donné pour que lui-même apprenne à se respecter. Il y a beaucoup de souffrances qu'on vit comme ça, nous autres, que j'ai envie de dire dans les couples et avec nos enfants, parce qu'on, ce dimanche dernier, t'en as parlé de ça, comment on est mère, c'est écœurant, comment on perd l'évolution des gens, parce qu'on ne s'est pas respecté, on s'est juste aimé. Qu'à partir du moment où on est capable d'être intelligent, et avoir de la volonté, ça fait la volonté de notre flexibilité, devant tout le monde des fois. À partir du moment où tu es capable de dire l'intelligence dans l'amour, tu n'as plus d'amour vis-à-vis des gens, tu as du respect. Et c'est ce respect de soi-même, pour commencer, pour. C'est ça que ça veut dire de noblesse oblige. C'est se respecter soi-même. Ça veut dire ça, te respecter toi-même, ça veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi devant n'importe qui. Donc, je fais allusion à toute la pornographie, toutes les mœurs. Les gens font que je suis libre parce que je fais n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la liberté. La liberté a à voir avec la liberté. Et la liberté de communication avec les personnes à avoir avec le respect. Avec le respect. Tu sais, je communique, il faut que tu m'écoutes. Tu es disponible. Hein? Alors, en tout cas, ce que je comprends, c'est la loi de l'impression. C'est Ça m'apparaît que c'est ça qui fait qu'on impose respect et ce qui fait qu'on respecte aussi les autres. Mais si on ne comprend pas ça, on prend les mêmes formes de ça, on va parler de snobisme, on va parler de puritanisme, on va parler de n'importe quoi. Exactement. Exactement. Ça fait partie d'intelligence. Ça ne fait pas partie de là. Ça descend à cette intelligence-là dans l'ego, puis l'ego se sert à cette intelligence. Il n'y a pas de snobisme là-dedans. Mais il faut avoir l'esprit bien nuancé, bien. Il faut avoir l'esprit intelligent pour comprendre les lois de l'impression. C'est le moyen pour en arriver à avoir un vrai contact avec les gens. Comme c'était arrivé chez les. C'est-à-dire que tu n'aurais pas eu la même attitude en arrivant chez les Bronfman qu'en arrivant chez quelqu'un d'autre ou un pauvre garde qui reste dans une cabane. Exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour en arriver à avoir un vrai contact au niveau des personnes et de l'âme avec le gars qui reste dans la cabane, je veux dire, tu n'aurais pas eu la même attitude face à cette personne-là. Tu n'as pas besoin de créer autant d'impression.